François Morel, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, à ce même micro, j'ai dit une connerie. Vous me direz, ce n'est pas la première fois. Oui, mais quand même, j'ai dit une connerie. Vous me direz, vous êtes un peu payé pour ça. Oui, mais là, c'était une connerie pas drôle et surtout attentatoire. J'évoquais un reportage entendu sur France Inter concernant le voisinage d'Olivier Duhamel. Sauf que ce reportage n'existe pas, sauf que ce reportage n'a jamais existé. J'ai simplement entendu la revue de presse qui, légitimement, faisait état d'un article paru le matin même dans un journal national. Il n'y a donc pas eu de choix éditorial de la rédaction de France Inter pour dépêcher un envoyé spécial, organiser un micro-trottoir et partager ce journalisme de caniveau qui donc n'est pas le fait de la rédaction de France Inter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ai-je entendu cette revue de presse un dimanche matin ? Ai-je été agacé ? Me serais-je rendormi sur mon agacement ? Me suis-je réveillé en faisant une confusion entre le reportage et la revue de presse ? C'est possible, je crains même que ce ne soit avéré. Je présente donc mes excuses à la rédaction de France Inter et à ses journalistes. Pardon de vous avoir confondu avec un style de journalisme qui n'est pas le vôtre. Je voudrais également m'excuser auprès de tous ceux qui détestent France Inter et qui étaient trop heureux de trouver en ma personne un porte-voix inespéré. Je ne doute pas de la loyauté de chacun. Je sais que les sites qui ont relayé ma chronique la semaine dernière, OZAP, Morandini, relayeront également cette chronique d'aujourd'hui et laveront à grand dos l'honneur de la rédaction de France Inter que j'avais maladroitement, injustement entaché. Bien sûr, le fond de la chronique est inchangé. Et cet esprit de meute qui ne date ni d'hier ni d'aujourd'hui suscitera toujours mon aversion, mon dégoût. Cet esprit de meute qui aujourd'hui traque dans la rue un type promenant son chien. Cet esprit de meute qui hier s'exprimait à la Libération sur des photos en noir et blanc quand les braves gens prenaient tant de plaisir à prendre la pose près des femmes tondues. La semaine prochaine, promis, je tenterai à nouveau de dire des conneries, mais sans avoir besoin, la semaine suivante, de devoir présenter mes excuses. Eh bien, merci François Morel. France Inter.